C'est la différence entre un débat ouvert et un exercice de relations publiques. Ah, c'est... Est-ce que là, c'est... Pain in the ass, là. On se comprend-tu? Oh! Ce gars-là, c'est Pain in the ass, là. 11h24, et vous êtes dans Mora Live.